Chapitre 34. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre entende, elle et ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il produit. Car le Seigneur est courroucé contre toutes les nations, et en fureur contre toute leur armée. Il les a voués, livrés au carnage. Leurs morts seront jetés sans sépulture. Leurs cadavres exhaleront l'infection, et les montagnes se fondront dans leur sang. Toute l'armée des cieux sera réduite en poussière. Les cieux seront roulés comme un livre, et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Car mon épée s'est enivrée dans les cieux, et voici qu'elle descend sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'anathème, pour le juger. L'épée du Seigneur est pleine de sang, ruisselante de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car le Seigneur fait un sacrifice à Bosra, et un grand carnage au pays d'Édom. Avec eux tombent les buffles, et les bœufs avec les taureaux. Leur terre s'enivre de sang, et leur poussière ruisselle de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour le Seigneur, une année de revanche pour la cause de Sion. Ses torrents seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante, qui ne s'éteindra ni la nuit ni le jour, dont la fumée montera éternellement. D'âge en âge, elle restera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau y habiteront. Et il étendra sur elle le cordeau du chaos et le niveau du vide. Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi, et tous ses princes seront anéantis. Les épines pousseront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera un repère de chacals et un parc pour les autruches. Les chats et les chiens sauvages s'y rencontreront, et les satyres s'y appelleront les uns les autres. Là aussi, le spectre des nuits fera sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid et pondra, couvera et réunira ses petits sous son ombre. Là aussi se rassembleront tous les vautours. Cherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Pas un d'eux ne manque, ni l'un ni l'autre ne fait défaut. Car c'est la bouche du Seigneur qui l'a ordonné, et son souffle qui les a rassemblés. C'est lui qui a jeté le sort pour eux, et sa main qui leur a partagé le pays au cordeau. À jamais, ils le posséderont. D'âge en âge, ils y habiteront. Chapitre 35. Le désert et la terre aride se réjouiront. La steppe sera dans l'allégresse et fleurira comme le narcisse. Il se couvrira de fleurs et tressaillera. Il poussera des cris de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, avec la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire du Seigneur, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, « Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance vient, une revanche divine. Il vient lui-même et vous sauvera. » Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la steppe. Le sol brûlé se changera en un lac, et la terre altérée en source d'eau. Le repaire où gîtaient les chacals deviendra un parc de roseaux et de joncs. Il y aura là une route, une voie, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle n'est que pour eux seuls. Ceux qui la suivront, les simples même, ne s'égareront pas. Là, il n'y aura point de lion,

Et voici pour toi le signe donné par le Seigneur, auquel tu connaîtras que le Seigneur accomplira cette parole qu'il a dite. Voici que je vais faire reculer l'ombre en arrière, des degrés qu'elle a descendus sur les degrés d'Akaz, sous l'influence du soleil, soit de 10 degrés. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés qu'il avait descendus. Écrit d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut malade et qu'il guérit de sa maladie. Je disais, dans la paix de mes jours, je m'en vais aux portes du Shéol. Je suis privé du reste de mes ans. Je disais, je ne verrai plus le Seigneur, l'Éternel, sur la terre des vivants. Je ne verrai plus les hommes parmi les habitants du silencieux séjour. Ma demeure est enlevée, emportée loin de moi comme une tente de berger. Comme un tisserand, j'ourdissais ma vie. Il me retranche du métier. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Je me suis tu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Comme l'hirondelle, comme la grue, je crie. Je gémis comme la colombe. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Seigneur, on me fait violence. Sois mon garant. Que dirais-je? Il m'a dit, il l'a fait. Je marcherai humblement pendant toutes mes années, me souvenant de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est en cela qu'est la vie, en tout cela est la vie de mon esprit. Vous me guérissez, vous me rendez la vie. Voici que ma suprême amertume se change en paix. Vous avez retiré mon âme de la fosse de perdition. Vous avez jeté derrière votre dos tous mes péchés. Car le Shéol ne vous célèbre pas. La mort ne chante pas vos louanges. Ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent plus en votre fidélité. Le vivant, c'est lui qui vous célèbre, comme je le fais en ce jour. Père fera connaître à ses enfants votre fidélité. Le Seigneur a été prompt à me sauver. Nous ferons résonner les cordes de ma harpe tous les jours de notre vie devant la maison du Seigneur. Isaïe dit : qu'on apporte une masse de figues et qu'on l'applique sur l'ulcère et que le roi guérisse. Et Ézéchias dit : à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison du Seigneur ? Chapitre 39. En ce même temps, Merodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et des présents à Ézéchias, car il avait appris qu'il avait été malade et qu'il était rétabli. Ézéchias se réjouit de la venue des envoyés, et il leur montra la maison de son trésor, l'argent et l'or, les aromates et l'huile de prix, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Mais Isaïe, le prophète, vint auprès du roi Ézéchias et lui dit : qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ? Ézéchias répondit : ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. Isaïe dit : qu'ont-ils vu dans ta maison ? Et Ézéchias répondit : ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Et Isaïe dit à Ézéchias : écoute la parole du Seigneur des armées. Voici que des jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit le Seigneur. Et l'on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe. La parole du Seigneur que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, car il y aura paix et stabilité pendant ma vie. Chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour ses péchés. Une voix crie : Frayez dans le désert le chemin du Seigneur, aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit relevée, toute montagne et toute colline abaissée. Que la hauteur devienne une plaine et les roches escarpées un vallon. Alors la gloire du Seigneur apparaîtra et toute chair sans exception la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit : Crie ! Et on répond : Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit, quand le souffle du Seigneur passe sur elle. Oui, l'homme est comme l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Monte sur une haute montagne, toi qui portes à Sion la bonne nouvelle. Élève la voix avec force, toi qui portes à Jérusalem la bonne nouvelle. Élève-la, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici que le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Son bras exerce la domination. Voici que sa récompense est avec lui et son salaire est devant lui. Comme un berger, il fera paître son troupeau. Il recueillera les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira doucement celle qui allaite. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, estimé l'étendue des cieux à l'empan, jaugé au boisseau toute la poussière de la terre, pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a dirigé l'esprit du Seigneur? Et quel a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il tenu conseil pour qu'il l'éclaire, pour qu'il lui enseigne le sentier de la justice, pour qu'il lui enseigne la sagesse et lui montre le chemin de l'intelligence? Voici que les nations sont comme la goutte suspendue à un seau. Elles sont réputées comme la poussière dans la balance. Voici que les îles sont la poudre menue qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Il les compte pour néant et vanité. À qui donc comparerez-vous Dieu, et quelle image lui préparerez-vous? Quand l'ouvrier a coulé une idole, l'orfèvre la recouvre d'or, et ils lui font des chaînettes d'argent. Le pauvre, qui ne peut offrir beaucoup, choisit un bois qui ne pourrisse point, et il va chercher un ouvrier habile pour faire une idole qui ne branle point. Ne savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu dire? Ne vous a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas appris qui a posé les fondements de la terre? Il trône par-dessus la voûte de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme un voile et les déploie comme une tente pour y habiter. Il livre au néant les puissants et réduit à rien les juges de la terre. À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur tronc a-t-il pris racine en terre, il souffle sur eux et ils sèchent. Et l'ouragan les emporte comme le chaume. À qui donc me comparerez-vous que je lui sois pareil? Dit le saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Celui qui fait marcher en ordre leur armée, et qui les appelle toutes par leur nom. Et, à cause de la grandeur de sa puissance et de l'énergie de sa force, pas une ne fait défaut. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, et parles-tu ainsi, ô Israël? Ma voix est cachée au Seigneur, et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu? Le Seigneur est un Dieu éternel, qui a créé les extrémités de la terre, qui ne se fatigue ni ne se lasse, et dont la sagesse est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et redouble la vigueur de celui qui est défaillant. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils élèveront leur vol comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Chapitre 41. Ils, faites silence pour m'écouter, et que les peuples raniment leur force. Qu'ils approchent, puis qu'ils parlent. Allons ensemble au jugement. Qui a fait lever de l'Orient celui dont la justice rencontre les pas? Qui lui a livré les nations et lui a soumis les rois? Il fait voler leur épée en poussière. Il rend leurs arcs semblables à la paille qu'emporte le vent. Il les poursuit et passe en paix par un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait cela? Qui l'a accompli? Celui qui appelle les générations depuis le commencement. Moi, le Seigneur, qui suis le premier et qui serai aussi avec les derniers. Les îles le voient et sont saisies de crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils approchent et viennent. Chacun aide son compagnon et l'un dit à l'autre « Prends courage ». Le forgeron encourage le fondeur, le polisseur au marteau celui qui frappe sur l'enclume, en disant de la soudure « Elle est bonne ». Puis il fixe le dieu avec des clous pour qu'il ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai été prendre aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé de ces lointaines régions. Toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne t'ai point rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne regarde pas avec inquiétude, car je suis ton Dieu. Je t'ai saisi fortement, et je t'aide, et je te soutiens par la droite de ma justice. Voici qu'ils seront confondus et couverts de honte, tous ceux qui sont enflammés contre toi. Ils seront semblables au néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et tu ne les trouveras plus, ceux qui te querellent. Ils seront semblables au néant, réduits à rien, ceux qui te font la guerre. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je te prends par la main droite. Je te dis, ne crains point, c'est moi qui viens à ton aide. Ne crains point, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Moi, je viens à ton secours, oracle du Seigneur, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voici que je fais de toi un traîneau aigu, neuf à deux tranchants. Tu fouleras les montagnes et tu les broieras, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et l'ouragan les dispersera. Et toi, tu tressailleras de joie dans le Seigneur, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les pauvres, qui cherchent des eaux et n'en trouvent point, et dont la langue est desséchée par la soif, moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les sommets dénudés, et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, et la terre aride en fontaine d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans la steppe à la fois le cyprès, le platane et le buis, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent ensemble que la main du Seigneur a fait ces choses, et que le Saint d'Israël les a créées. Présentez votre cause, dit le Seigneur. Produisez vos raisons, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et nous déclare ce qui doit arriver. Les choses anciennes, déclarez-nous ce qu'elles furent, et nous y appliquerons notre cœur pour en connaître l'issue. Ou bien faites-nous entendre les choses à venir. Annoncez-nous les choses qui arriveront plus tard, et nous saurons que vous êtes des dieux. Faites du bien ou faites du mal, que nous voyions et que nous admirions ensemble. Voilà, vous n'êtes rien, et votre œuvre est néant. Abominable est celui qui vous choisit. Je l'ai suscité du septentrion, et il arrive. Du soleil levant, il invoque mon nom. Il marche sur les satrapes comme sur la boue, comme le potier foule l'argile. Qui l'a fait connaître dès l'origine, que nous le sachions, longtemps d'avance, que nous disions, « C'est vrai ?» Non, personne ne l'a annoncé. Non, personne ne l'a fait entendre. Non, personne n'a entendu vos paroles. Le premier, j'ai dit à Sion, « Voici, les voici, et j'envoie à Jérusalem un messager de bonne nouvelle. » Je regarde, et il n'y a personne. Parmi eux, il n'y a pas un conseiller que je puisse interroger et qui me réponde. Voici, ils sont tous vanité. Leurs œuvres sont néant, leurs idoles un vain souffle. Chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il répandra la justice parmi les nations. Il ne criera point. Il ne parlera pas haut. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas la mèche prête à mourir. Il annoncera la justice en vérité. Il ne faiblira point et ne se laissera point abattre. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles seront dans l'attente de sa loi. Ainsi parle le Dieu éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui donne la respiration au peuple qui l'habite, et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, et je t'ai pris par la main. Je te garde, et je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je suis le Seigneur, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici que les premières choses sont arrivées, et j'en annonce de nouvelles. Avant qu'elles éclosent, je vous les fais entendre. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chantez sa louange aux extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer et qui la peuplez. Vous, îles et vos habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Les campements habités par Cédar. Que les habitants de Sela tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes ils poussent des cris de joie. Qu'ils rendent gloire au Seigneur, qu'ils publient sa louange dans les îles. Car le Seigneur sort comme un héros, comme un guerrier, Il réveille son ardeur. Il pousse le cri de guerre, un cri éclatant. Il déploie sa force contre ses ennemis. Longtemps je me suis tu. J'ai gardé le silence, je me suis contenu. Comme la femme qui enfante, je gémis, je soupire et je suis haletant. Je désolerai les montagnes et les collines, et je dessécherai toute leur verdure. Je changerai les fleuves en îles, et je mettrai les lacs à sec. Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les mènerai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les lieux montueux en plaine. Ces paroles, je les accomplirai et je n'y manquerai point. Ils reculeront. Ils seront couverts de honte, ceux qui se confient dans les idoles, qui disent aux images fondues « Vous êtes nos dieux ». Sourds, entendez. Aveugles, ouvrez les yeux pour voir. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui dont j'avais fait mon ami, aveugle comme le serviteur du Seigneur? Tu as vu beaucoup de choses, et tu n'as rien retenu. Il a eu ses oreilles ouvertes, et il n'a rien entendu. Le Seigneur a daigné, à cause de sa justice, donner une loi grande et magnifique. Et voilà ce peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Ils ont été enfermés dans des cachots. Ils sont au pillage, et personne qui les délivre. Dépouillés, et personne qui dise « Restitue ». Qui de vous prêtera l'oreille à ces choses, y prendra garde et écoutera désormais? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au spoliateur? N'est-ce pas le Seigneur, lui contre qui nous avons péché, lui dont ils n'ont pas voulu suivre les voies et dont ils n'ont pas écouté la loi? Il a versé sur eux le feu de son courroux et les fureurs de la guerre. Elle s'est allumée tout autour de lui, et il n'a pas compris. Elle l'a consumée, et il n'y a point pris garde. Chapitre 43. Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, ils ne t'engloutiront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Le Saint d'Israël est ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba en échange de toi, parce que tu es précieux à mes yeux, honorable, et que, moi, je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des peuples en échange de ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi. De l'Orient je ramènerai ta postérité. Et de l'Occident je te rassemblerai. Je dirai au septentrion, donne-les, et au midi, ne les retiens pas. Ramène mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle et qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que les nations s'assemblent toutes, et que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a annoncé ces choses, et nous a fait entendre des prédictions anciennes? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise « C'est vrai ». Vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous reconnaissiez et que vous me croyiez, et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et il n'y en aura point après moi. C'est moi, moi qui suis le Seigneur, et il n'y a point de sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai annoncé, qui ai sauvé, qui ai prédit. Ce n'est pas un Dieu étranger parmi vous, et vous êtes mes témoins. Oracle du Seigneur. C'est moi qui suis Dieu. Désormais aussi je le suis, et il n'y a personne qui délivre de ma main. J'agirai, et qui l'empêchera? Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'ai envoyé contre Babylone, et je l'ai fait tous descendre en fugitifs, les Chaldéens, sur les navires dont ils sont si fiers. Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle le Seigneur qui ouvrit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, qui mit en campagne chars et chevaux, armées et vaillants guerriers. Tous ensemble, ils sont couchés pour ne plus se relever. Ils ont été étouffés, ils se sont éteints comme une mèche. Ne vous souvenez plus des événements passés, et ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici que je vais faire une merveille nouvelle. Elle est près d'éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la terre aride. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches. Car je mettrai des eaux dans le désert, et des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que j'ai formé pour moi, qui publiera ma louange. Cependant tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, et tu ne t'es pas mis en peine pour moi, Israël. Tu ne m'as pas offert les brebis de tes holocaustes, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas été à charge pour des offrandes, et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Tu ne m'as point, à prix d'argent, acheté de roseaux odoriférants, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes victimes. Mais toi, tu m'as été à charge par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes fautes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes m'ont été infidèles. C'est pourquoi j'ai dégradé les princes du sanctuaire. J'ai livré Jacob à l'anathème et Israël aux outrages. Chapitre 44. Et maintenant, écoute, Jacob, mon serviteur, et toi, Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle le Seigneur, qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère, et secouru. Ne crains point, Jacob, mon serviteur, mon Israël, que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, et ma bénédiction sur tes rejetons. Et ils croîtront parmi la verdure, comme les saules le long des eaux courantes. Celui-ci dira, « Je suis au Seigneur ». Celui-ci se réclamera du nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main, « Au Seigneur », et il prendra pour surnom le nom d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël et son Rédempteur, le Seigneur des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Qui est comme moi? Qu'il parle, qu'il le déclare, qu'il me le montre. Depuis que j'ai fondé l'humanité des jours antiques. Qu'ils annoncent donc l'avenir et ce qui doit arriver. Ne soyez point effrayés et ne craignez point. Ne te l'ai-je pas dès longtemps fait connaître et annoncer? Vous m'en êtes témoin. Y a-t-il un Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Les fabricateurs d'idoles ne sont tous que néants, et leurs chefs-d'œuvre ne servent à rien. Leurs témoins, eux, ne voient rien ni ne comprennent rien, pour leur honte. Qui a formé un dieu, qui a fondu une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici que tous ces adorateurs seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils se présentent. Ils trembleront et seront confondus tous ensemble. L'ouvrier en fer travaille avec le ciseau. Il passe son œuvre dans les charbons embrasés. Il la façonne avec le marteau. Il la travaille d'un bras vigoureux. Cependant, il a faim, et le voilà sans force. Il ne boit pas d'eau, et le voilà épuisé. L'ouvrier en bois tend le cordeau. Il trace la forme au crayon, la façonne avec le ciseau, la mesure au compas. Il en fait une figure d'homme, la belle figure humaine, pour qu'elle loge dans une maison. Un homme va couper des cèdres. Il prend des rouvres et des chênes. Il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Ou bien il plante des cèdres et la pluie les fait croître. Ce bois sert à l'homme pour brûler. Il en prend pour se chauffer. Il en allume aussi pour cuire son pain. Il en fait aussi un dieu et il l'adore. Il en fabrique une idole et il se prosterne devant elle. Il en a brûlé au feu la moitié. Avec l'autre moitié, il apprête sa viande. Il cuit son rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et il dit « Ah ! Ah ! Je me réchauffe, je sens la flamme. » De ce qui en reste, il fait son dieu, son idole, qu'il adore en se prosternant, devant laquelle il prie en disant « Délivre-moi, car tu es mon dieu. » Ils ne savent pas, ils n'entendent pas, car leurs yeux sont couverts pour ne pas voir, et leur cœur pour ne pas comprendre. Et il ne rentre pas en soi-même. Il n'a pas l'intelligence et le bon sens de se dire « J'en ai brûlé la moitié au feu. J'ai aussi cuit du pain sur les braises. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un tronc d'arbre. » Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Il ne sauvera pas son âme et ne dira pas « Ce qui est dans ma main n'est-il pas mensonge ?» Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour mon serviteur, ô Israël, tu ne seras pas oublié de moi. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi. Car je t'ai racheté. Cieux, poussez des cris de joie, car le Seigneur a fait cela. Retentissez, profondeur de la terre. Éclatez de joie, montagnes, forêts, avec tous vos arbres, car le Seigneur a racheté Jacob et manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein de ta mère. C'est moi, le Seigneur, qui ai fait toutes choses, moi seul qui ai déployé les cieux, affermi la terre. Qui était avec moi? Je déjoue les présages des prophètes de mensonges et fais délirer les devins. Je fais reculer les sages et change leur science en folie. J'accomplis la parole de mon serviteur et j'exécute le conseil de mes envoyés. Je dis de Jérusalem qu'elle soit habitée, et des villes de Juda qu'elles soient rebâties. Je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, Tarie, je dessécherai tes fleuves. Je dis de Cyrus, c'est mon berger, il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem, sois rebâti, et au temple, sois fondé. Chapitre 45. Ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus, que j'ai pris par la main droite pour terrasser devant lui les nations, et pour délier la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les portes, afin que les entrées ne lui soient pas fermées. Moi, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'est appelé par ton nom. À cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai désigné quand tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint quand tu ne me connaissais pas, afin que l'on sache, du levant au couchant, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. Cieux, répandez d'en haut votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et produise le salut, qu'elle fasse germer la justice en même temps. Moi, le Seigneur, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a formé, vase parmi des vases de terre. L'argile dira-t-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu ? » Ton œuvre dira-t-elle, « Il n'a pas de main. » Malheur à qui dit à un père, « Pourquoi engendres-tu ? » Et à une femme, « Pourquoi mets-tu au monde ?» Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël et celui qui l'a formé. Oserez-vous m'interroger sur l'avenir, me commander au sujet de mes enfants et de l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi dont les mains ont déployé les cieux, moi qui commande à toute leur armée. C'est moi qui l'ai suscité dans ma justice, et j'aplanis toutes ses voies. C'est lui qui rebâtira ma ville et renverra mes captifs, sans rançon ni présent, dit le Seigneur des armées. Ainsi parle le Seigneur. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et les Sabéens à la haute stature viendront à toi et seront à toi. Ils marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés et se prosterneront devant toi. Ils te diront en suppliant, « Il n'y a de Dieu que chez toi, et il n'y en a point d'autre. Nul autre Dieu absolument. » En vérité, vous êtes un Dieu caché, Dieu d'Israël, ô Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont confus, les fabricateurs d'idoles. Israël est sauvé par le Seigneur d'un salut éternel. Vous n'aurez ni honte ni confusion dans les siècles à venir. Car ainsi parle le Seigneur, qui a créé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre, qui l'a achevée et affermie, qui n'en a pas fait un chaos, mais l'a formée pour être habitée. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu obscur de la terre. Je n'ai point dit à la race de Jacob, « Cherchez-moi vainement. » Moi, le Seigneur, je dis ce qui est juste, j'annonce la vérité. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils ne savent rien, ceux qui portent leur idole de bois, et invoque un Dieu qui ne sauve pas. Appelez-les, faites-les approcher, et qu'ils se consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Moi, le Dieu juste, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous habitants de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je l'ai juré par moi-même, de ma bouche sort la vérité, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue me prêtera serment. En le Seigneur seul, dira-t-on de moi, réside la justice et la force. On viendra à lui, mais ils seront confondus, tous ceux qui étaient enflammés contre lui. En le Seigneur sera justifié et sera glorifié toute la race d'Israël. Chapitre 46. Bel s'écroule, Nébo s'affaisse. On met leurs images sur des animaux, des bêtes de somme. Ces idoles que vous portiez sont chargées, comme un fardeau pesant, sur les bêtes fatiguées. Ils s'affaissent, ils s'écroulent ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous dont je me suis chargé dès votre naissance, que j'ai porté dès le sein de votre mère. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai déjà fait, et je vous porterai encore. Je vous soutiendrai, je vous délivrerai. À qui me comparerez-vous, et de qui me ferez-vous l'égal? À qui m'assimilerez-vous, que nous soyons pareils? Ils tirent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils engagent un fondeur afin qu'il en fasse un dieu, et ils se prosternent et adorent. Ils le portent sur l'épaule, ils le soutiennent, et vont le poser en son lieu. Et il s'y tient sans bouger de sa place. Même lorsqu'on crie vers lui, il ne répond pas. Il ne sauve personne de la détresse. Pensez à cela et montrez-vous homme. Rebelle, prenez-le à cœur. Rappelez-vous les choses passées des jours d'autrefois. Oui, moi, je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Moi qui, dès le commencement, annonce la fin, et, longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. Qui dit « Mon dessein subsistera, et je ferai toute ma volonté. » Qui de l'Orient appelle l'aigle, d'un pays éloigné l'homme de mon dessein. J'ai parlé, j'accomplirai. J'ai résolu, j'exécuterai. Écoutez-moi, homme au cœur opiniâtre, qui êtes loin de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut ne tardera pas. Je donnerai le salut à Sion, ma gloire à Israël. Chapitre 47. Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, sans trône, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la délicate, la voluptueuse. Prends la meule, et mou de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, mets à nu tes jambes pour passer les fleuves. Que ta nudité soit découverte, qu'on voie ta honte. Je veux me venger, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur se nomme le Seigneur des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence. Entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. j'étais irrité contre mon peuple. J'ai laissé profaner mon héritage et je les ai livrés entre tes mains. Tu ne leur fis point de miséricorde. Sur le vieillard, tu as fait peser lourdement ton joug. Tu as dit, « Je suis souveraine à jamais. » De sorte que tu n'as pas pris garde à ces choses, tu n'as pas songé à la fin de tout cela. Et maintenant, écoute ceci, voluptueuse, assise en sécurité, toi qui disais en ton cœur, « Moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve, ni privée de mes enfants. » Ces deux choses t'arriveront. Soudain, en un même jour, et la perte de tes enfants et le veuvage. Elles viendront sur toi dans leur plénitude, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes enchantements. Tu te confiais dans ta malice, tu disais, « Nul ne me voit. » Ta sagesse et ta science, ce sont elles qui t'ont séduite, alors que tu disais en ton cœur, « Moi et rien que moi. » Et le malheur viendra sur toi, sans que tu puisses le conjurer. La calamité fondra sur toi, sans que tu puisses la détourner. Et la ruine viendra sur toi soudain, sans que tu t'en doutes. Reste donc avec tes enchantements, et avec la multitude de tes sortilèges, auxquels tu t'es adonné dès ta jeunesse. Peut-être en pourras-tu tirer profit. Peut-être inspireras-tu la terreur. Tu t'es fatigué à force de consultation. Qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui mesurent le ciel, qui observent les astres, qui font connaître à chaque nouvelle lune ce qui doit arriver. Voici qu'ils sont devenus comme le chaume. Le feu les consumera. Ils ne sauveront pas leur vie de la puissance de la flamme. Ce n'est point une braise pour se chauffer, ni un feu pour s'asseoir devant. Tels sont pour toi ceux pour qui tu t'es fatigué, ceux avec qui tu trafiquas dès ta jeunesse. Ils fuient chacun de son côté. Il n'y a personne qui te sauve. Chapitre 48. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui êtes appelés du nom d'Israël, et qui êtes sortis de la source de Juda. Vous qui jurez par le nom du Seigneur, et qui célébrez le Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. Car ils tirent leur nom de la ville sainte, et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est le Seigneur des armées. Dès longtemps, j'ai annoncé les premières choses, elles sortirent de ma bouche. Je les proclamais. Soudain j'ai agi, et elles sont arrivées. Comme je savais que tu es dur, que ton cou est une barre de fer, et que ton front est d'airain, je t'ai annoncé ces choses il y a longtemps. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent, de peur que tu ne dises « Mon idole les a faites, mon dieu de bois ou de fonte les a ordonnées. » Tu l'as entendu. Vois, tout s'est accompli. Mais vous, ne le déclarerez-vous pas? Maintenant, je te fais entendre des choses nouvelles, cachées, que tu ne connais point. C'est maintenant qu'elles sont créées, et non auparavant. Jusqu'à ce jour, tu n'en avais point entendu parler, de peur que tu ne dises « Voici, je le savais ». Tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su, jamais ton oreille n'en a rien perçu, parce que je savais que tu es tout à fait infidèle, que ton nom est prévaricateur dès le sein de ta mère. À cause de mon nom, je retiens ma colère, et à cause de ma gloire, je patiente avec toi, pour ne pas t'exterminer. Voici, je t'ai fondu, mais sans obtenir l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. C'est pour l'amour de moi que je le fais, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. C'est aussi ma main qui a fondé la terre, et ma droite qui a étendu les cieux. C'est moi qui les appelle, et aussitôt ils se présentent. Assemblez-vous tous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui qu'aime le Seigneur accomplira sa volonté dans Babel, et son bras sera contre les Chaldéens. Moi, moi j'ai parlé, et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et sa voix sera prospère. Approchez-vous de moi, entendez ceci. Dès l'origine, je n'ai point parlé en cachette. Depuis que ces choses arrivent, je suis là. Et maintenant le Seigneur l'Éternel m'envoie avec son esprit. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'enseigne pour ton bien. Je te conduis dans le chemin où tu dois marcher. Oh, sois attentif à mes commandements, et ta paix sera comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité sera comme le sable, et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Son nom ne sera ni retranché, ni effacé devant moi. Sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens avec des cris de joie. Publiez-le. Proclamez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Ils n'ont pas soif dans le désert où il les a conduits. Il fait couler pour eux l'eau du rocher. Il fend le rocher et les eaux jaillissent. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit le Seigneur. Chapitre 49. Île, entendez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a proclamé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité sous l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « En vain je me suis fatigué. Inutilement, pour rien, j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès du Seigneur, et ma récompense auprès de mon Dieu. » Et maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et pour qu'Israël lui soit réuni. Et je suis honoré aux yeux du Seigneur, et mon Dieu est ma force. Il a dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur, pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je t'établirai lumière des nations, pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à celui qui est méprisé, abominable au peuple, à l'esclave des tyrans. Des rois te verront et se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause du Seigneur qui est fidèle, et du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exauce, et au jour du salut, je te viens en aide. Je t'ai gardé et établi alliance du peuple, pour relever le pays, pour partager les héritages dévastés, pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, et sur toute hauteur seront leurs pâturages. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Ni le sable brûlant, ni le soleil ne les atteindront. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira aux eaux jaillissantes. Je ferai de toutes mes montagnes des chemins, et mes routes seront relevées. En voici qui viennent de loin, en voici du septentrion et du couchant, et ceux-là du pays des Sinimes. Cieux, poussez des cris de joie. Terre, tressaille. Montagnes, éclatez en cris joyeux, car le Seigneur a consolé son peuple, et il a compassion de ses affligés. Si on disait « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », une femme oubliera-t-elle son nourrisson? N'aura-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même les mères oublieraient, moi, je ne t'oublierai point. Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et dévastée s'éloignent de toi. Lève les yeux autour de toi et regarde. Ils se rassemblent tous. Ils viennent à toi. Je suis vivant, oracle du Seigneur. Tu te revêtiras d'eux tous comme d'une parure. Tu t'en ceindras comme d'une ceinture de fiancée. Car tes ruines, tes déserts, ton pays dévasté, tout cela maintenant sera trop étroit pour tes habitants, et ceux qui te dévoraient se sont éloignés. Alors ils diront à tes oreilles, tes fils dont tu étais privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse habiter. Et tu diras en ton cœur, qui m'a enfanté ceux-ci? J'étais privé d'enfants, stérile, banni et répudié. Et ceux-ci, qui les a élevés? Voici que j'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je lèverai ma main vers les nations, que je dresserai mon étendard vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et ils rapporteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis le Seigneur, et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confondus. Mais arrachera-t-on aux puissants sa proie? Et les justes qu'on a fait captifs échapperont-ils? Ainsi parle le Seigneur. Même la proie du puissant lui sera arrachée, et la proie du violent lui échappera. Tes adversaires, moi, je les combattrai. Tes fils, moi, je les sauverai. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme d'un vin nouveau. Et toute chair saura que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, et que ton Rédempteur est le puissant de Jacob. Chapitre 50. Ainsi parle le Seigneur. Où est la lettre de divorce de votre mère, par laquelle je l'ai répudiée? Ou bien, quel est celui de mes créanciers auquel je vous ai vendu? C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu, à cause de vos péchés que votre mère a été renvoyée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle donc trop courte pour délivrer? Ou bien n'ai-je pas assez de force pour sauver? Voici que, par ma menace, je dessèche la mer. Je change les fleuves en désert. Leurs poissons pourrissent faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, et je les couvre d'un sac. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des disciples, pour que je sache fortifier par ma parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute en disciple. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur l'Éternel m'est venu en aide. C'est pourquoi l'outrage ne m'a point abattu. C'est pourquoi j'ai rendu ma face semblable à un caillou, et je savais que je ne serais pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Qui plaidera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'approche de moi. Le Seigneur l'Éternel m'est venu en aide. Qui est-ce qui me condamnerait? Ah! Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Qui d'entre vous craint le Seigneur et écoute la voix de son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres, privé de lumière, qu'il se confie dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous tous qui allumez un feu, et qui vous armez de flèches embrasées. Allez dans les flammes de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous serez couchés dans la douleur. Chapitre 51. Entendez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez le Seigneur. Considérez le rocher d'où vous avez été taillé, et la carrière d'où vous avez été tiré. Considérez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfanté. Car je l'appelais quand il était seul, et je l'ai béni et multiplié. Car le Seigneur a consolé Sion, et il a consolé toutes ses ruines. Il a fait de son désert un Éden, et de sa solitude un jardin du Seigneur. On y trouvera la joie et l'allégresse, les actions de grâce et le bruit des chants. Sois attentif à ma voix, ô mon peuple. Ô ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai mon commandement pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mon bras jugera les peuples. Les îles espèrent en moi et se confient dans mon bras. Levez vos yeux vers le ciel et abaissez vos regards sur la terre, car les cieux se dissiperont comme une fumée, et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront de même. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice ne périra pas. Entendez-moi, vous qui connaissez la justice, ô peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas les injures des hommes et ne vous effrayez pas de leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme la laine. Mais ma justice subsistera à jamais et mon salut jusqu'au siècle des siècles. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt-toi de force, bras du Seigneur. Réveille-toi comme aux jours anciens, comme aux âges d'autrefois. N'est-ce pas toi qui tailla en pièces Rahab, qui transperça le dragon? N'est-ce pas toi qui dessécha la mer, les eaux du grand abîme, qui fit des profondeurs de la mer un chemin pour faire passer les rachetés? Ainsi les rachetés du Seigneur reviendront. Ils viendront dans Sion avec des cris de joie. Une allégresse éternelle couronnera leur tête. La joie et l'allégresse les envahiront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour craindre un homme mortel? Un fils d'homme qui passe comme l'herbe, pour oublier le Seigneur, ton Créateur, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et pour trembler perpétuellement, tout le jour, devant la fureur du tyran, lorsqu'il se prépare à te détruire. Et où est-elle la fureur du tyran? Bientôt celui qui est courbé sera délié. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Moi, je suis le Seigneur, ton Dieu, qui soulève la mer, et ses flots mugissent. Le Seigneur des armées est son nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main, pour planter des cieux et fonder une terre, et pour dire à Sion, « Tu es mon peuple ». Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main du Seigneur la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé le calice d'étourdissement. Pas un qui l'ait guidé de tous les fils qu'elle avait enfantés. Pas un qui l'ait prise par la main de tous les fils qu'elle avait élevés. Ces deux malheurs t'ont frappé. Qui t'adressera des paroles de pitié? La dévastation et la ruine, la famine et l'épée. Comment te consolerai-je? Tes fils, épuisés de force, sont gisants au coin de toutes les rues, comme une antilope dans le filet du chasseur, ivre de la fureur du Seigneur, de la menace de ton Dieu. C'est pourquoi, entends ceci, malheureuse, enivrée, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici que j'ai ôté de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère. Tu ne les boiras plus désormais. Je les mettrai dans la main de tes persécuteurs, de ceux qui te disaient « Courbe-toi, que nous passions ». Et tu faisais de ton dos comme un sol, comme une rue pour les passants. Chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta force, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car l'incirconcis et l'impur n'entreront plus chez toi désormais. Secoue ta poussière, relève-toi. Assieds-toi, Jérusalem. Détache les chaînes de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle le Seigneur. Vous avez été vendus pour rien, et sans argent vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mon peuple descendit jadis en Égypte pour y séjourner, puis Assur l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici? Oracle du Seigneur. Puisque mon peuple a été enlevé sans droit. Ces tyrans poussent des hurlements. Oracle du Seigneur. Et sans cesse, tout le jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Oui, il saura en ce jour que c'est moi qui dis « Me voici ». Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui publie la bonne nouvelle de la paix, de celui qui annonce le bonheur, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne ». La voix de tes sentinelles, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car elles voient de leurs yeux le retour du Seigneur en Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. Le Seigneur a découvert le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous,

le Seigneur des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car comme une femme délaissée et affligée, le Seigneur te rappelle comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Un instant, un moment, je t'ai abandonné, mais avec une grande miséricorde je te rassemble. Dans une effusion de ma colère, je t'ai caché un moment mon visage, mais avec un amour éternel j'ai compassion de toi, dit ton Rédempteur, le Seigneur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé, lorsque je jurais que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Ainsi j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes se retireraient et que les collines seraient ébranlées, mon amour ne se retirerait pas de toi et mon alliance de paix ne sera point ébranlée. Dis celui qui a compassion de toi, le Seigneur. Malheureuse, battue de la tempête, sans consolation. Voici que je coucherai tes pierres dans l'antimoine, et que je te fondrai sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples du Seigneur, tes fils jouiront d'une grande paix. Tu seras affermi sur la justice, loin de toi l'angoisse, car tu n'as rien à redouter. La frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si une ligue se forme, cela ne viendra pas de moi. Qui s'est ligué contre toi? Il tombera devant toi. Voici que moi, j'ai créé le forgeron, qui souffle sur les chardons ardents, et qui en retire l'arme qu'il doit travailler. Et c'est moi qui ai créé le dévastateur pour la détruire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera pour contester avec toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des fils du Seigneur. Telle est la justice qui leur viendra de moi. Oracle du Seigneur. Chapitre 55. Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous-même qui n'avez pas d'argent, venez, achetez du blé et mangez. Venez, achetez sans argent, et sans rien donner en échange, du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Votre travail pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et que votre âme vive, et je conclurai avec vous un pacte éternel, vous accordant les grâces assurées à David. Voici que je l'ai établi témoin auprès des peuples, prince et dominateur des peuples. Voici que tu appelleras la nation que tu ne connaissais pas, et les nations qui ne te connaissaient pas accourront à toi, à cause du Seigneur, ton Dieu, et du Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié. Cherchez le Seigneur pendant qu'on peut le trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et le criminel ses pensées. Qu'ils reviennent au Seigneur, et il lui fera grâce. À notre Dieu, car il pardonne largement. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé la terre et qu'elle ne l'ait fait germer, qu'elle n'ait donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle exécute ce que j'ai voulu et accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Car vous sortirez plein de joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines, à votre vue, éclateront de joie, et tous les arbres de la campagne applaudiront. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce croîtra le myrte. Ce sera pour le Seigneur un honneur, un monument éternel qui ne sera pas détruit. Chapitre 56. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut est près d'arriver et ma justice va se manifester. Heureux l'homme qui fera cela, et le fils de l'homme qui s'y attachera, gardant le sabbat sans le profaner et gardant sa main pour ne faire aucun mal. Que le fils de l'étranger, attaché au Seigneur, ne dise pas: le Seigneur m'exclura certainement de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas: voici que je suis un arbre sec. Car ainsi parle le Seigneur aux eunuques: à ceux qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom, meilleurs que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les fils de l'étranger, attachés au Seigneur, pour le servir et pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat sans le profaner et qui tiennent ferme à mon alliance, je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur, l'Éternel, qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai encore d'autres avec lui, avec ceux qui sont déjà rassemblés. Vous tous, animaux des champs, venez dévorer, et vous toutes aussi, bêtes de la forêt. Les gardiens d'Israël sont tous aveugles, ils ne savent rien. Ce sont tous des chiens muets qui ne peuvent aboyer. Ils rêvent, ils se couchent, ils aiment à dormir. Ce sont des chiens voraces, ils ne savent pas se rassasier. Et ce sont des bergers, ils ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre chemin, chacun selon son profit, du premier jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous nous remplirons de liqueurs fortes, et demain sera comme aujourd'hui, grand, très grand jour de joie. Chapitre 57. Cependant, le juste disparaît, et personne ne le prend à cœur. Les hommes pieux sont enlevés, et nul ne prend garde que le juste a été retiré du malheur, et qu'il entre dans la paix. Ils reposent sur leur couche, ceux qui ont suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de la magicienne, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous la bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de prévarication, une race de mensonges? Vous vous échauffez près des térébintes, sous tout arbre vert. Vous égorgez les enfants dans les vallées, sous les grottes des rochers. Ta part est dans les pierres polies du torrent. Voilà, voilà ton lot. Tu as été jusqu'à leur verser des libations, à leur présenter des offrandes. Puis-je être satisfait de cela? Sur une montagne haute et élevée, tu as établi ta couche, et c'est là que tu montes pour faire des sacrifices. Derrière la porte et les poteaux, tu as mis ton mémorial, car, loin de moi, tu découvres ta couche. Tu y montes, tu élargis ton lit, et tu leur fixes ton salaire. tu aimes leurs embrasements, tu souilles tes regards. Tu te présentes devant le roi avec de l'huile, tu multiplies tes parfums. Tu envoies au loin des messagers, tu t'abaisses jusqu'au Shéol. À force de démarches, tu te fatigues, tu ne dis pas, c'est en vain. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main, c'est pourquoi tu ne te sens pas malade. Et qui donc crains-tu? De qui as-tu peur? Que tu me sois infidèle, que tu ne te souviennes plus de moi, que tu ne t'en soucies pas. Ne me suis-je pas tu, et depuis longtemps, tandis que tu ne me craignais pas? Moi, je publierai ta justice, et tes œuvres qui ne te servent de rien. Quand tu crieras, qu'ils te délivrent, tes tas de dieux. Le vent les emportera tous, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma sainte montagne. Et l'on dira, frayez, frayez la voie, aplanissez-la, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, qui habite une demeure éternelle et s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu haut et saint, et en même temps avec l'homme contrit et humble d'esprit, pour rendre la vie à l'esprit des humbles, pour rendre la vie au cœur contrit. Car je ne veux pas contester à jamais, ni garder un courroux éternel, car devant moi tomberaient en défaillance l'esprit et les âmes que j'ai faites. À cause de sa convoitise coupable, je me suis irrité, et, demeurant caché, je l'ai frappé dans mon courroux. Et lui, rebelle, suivait la voie de son propre cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je serai son guide, et je lui rendrai mes consolations, à lui et à ses affligés. Celui qui crée sur les lèvres la louange dit « Paix, paix, à qui est loin et à qui est près, dit le Seigneur. Et je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et ses flots roulent de la vase et de la boue. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme la trompette, et dénonce à mon peuple son péché, à la maison de Jacob, ses iniquités. Ils me cherchent chaque jour, et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et n'aurait pas abandonné le commandement de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent que Dieu s'approche. Que nous sert de jeûner, si vous ne le voyez pas, d'humilier notre âme, si vous n'y prenez pas garde? Au jour de votre jeûne, vous faites vos affaires et vous pressez au travail tous vos mercenaires. Voici, c'est en vous disputant et en vous querellant que vous jeûnez, jusqu'à frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas, en ce jour, de manière à faire écouter votre voix en haut. Est-ce un jeûne pareil que je prends plaisir? Est-ce là un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne que je choisis ne consiste-t-il pas en ceci? Détacher les chaînes injustes, délier les nœuds du joug, renvoyer libres les opprimés, briser toute espèce de joug. Ne consiste-t-il pas à rompre ton pain à celui qui a faim, à recueillir chez toi les malheureux sans asile? Si tu vois un homme nu, à le couvrir, à ne point te détourner de ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu bannis du milieu de toi le joug, le geste menaçant, les discours injurieux, si tu donnes ta nourriture à l'affamé, et si tu rassasis l'âme affligée, ta lumière se lèvera au sein de l'obscurité, et tes ténèbres brilleront comme le midi, et le Seigneur te guidera perpétuellement. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il donnera de la vigueur à tes os. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau vive qui ne tarit jamais. Tes enfants rebâtiront tes ruines antiques. Tu relèveras des fondements posés aux anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, pour rendre le pays habitable. Si tu t'abstiens de fouler aux pieds le sabbat, en t'occupant de tes affaires en mon saint jour, et que tu appelles le sabbat tes délices, vénérable le saint jour du Seigneur, et que tu l'honores en ne poursuivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes affaires et à de vains discours, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur, et je te transporterai comme en triomphe sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche du Seigneur a parlé. Chapitre 59. Voici que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés lui ont fait cacher sa face pour qu'il ne vous entende pas. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue tient des discours pervers. Nul ne porte plainte avec justice. Nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur des faussetés et l'on invoque des mensonges. On conçoit le mal et l'on enfante le crime. Ils couvent des œufs de basilic, et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs mourra, et, si l'on en écrase un, il en sortira une vipère. Leurs tissus ne peuvent servir de vêtements, et on ne peut se couvrir de leur ouvrage. Leurs ouvrages sont des ouvrages criminels, une œuvre de violence est dans leurs mains. Leurs pieds courent vers le mal et se hâtent pour verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées de crime. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le sentier de la paix, et il n'y a pas de droiture dans leur voie. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi le jugement s'est éloigné de nous, et la justice ne nous arrive pas. Nous attendons la lumière, et voici l'obscurité, la clarté du jour, et nous marchons dans les ténèbres. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme des gens qui n'ont point Dieu. Nous trébuchons en plein midi comme au crépuscule. Au milieu d'hommes vigoureux, nous sommes semblables à des morts. Nous grondons tous comme des ours, comme des colombes, nous ne cessons de gémir. Nous attendons le jugement, et il ne vient pas. Le salut, et il reste loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant vous, et nos péchés témoignent contre nous. Oui, nos transgressions nous sont présentes, et nous connaissons nos iniquités. Être infidèle et renier le Seigneur, nous retirer loin de notre Dieu, proférer la violence et la révolte, concevoir et tirer de notre cœur des paroles de mensonge. Et le droit s'est retiré, et la justice se tient loin de nous, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut y avoir accès. la vérité a disparu, et qui s'éloigne du mal est dépouillé. Le Seigneur l'a vu, et il déplaît à ses yeux qu'il n'y ait plus de droiture. Il a vu qu'il n'y avait personne, et il s'est étonné que nul n'intervînt. Alors son bras lui est venu en aide, et sa justice a été son soutien. Il a revêtu la justice comme une cuirasse, et il a mis sur sa tête le casque du salut. Il a pris pour cotte d'armes la vengeance, et il s'est enveloppé de la jalousie comme d'un manteau. Telles sont les œuvres, telle la rétribution. Fureur pour ses adversaires, représailles pour ses ennemis. Il usera de représailles contre les îles. Et ils craindront le nom du Seigneur depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Car il viendra comme un fleuve resserré, que précipite le souffle du Seigneur. Il viendra en rédempteur pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur iniquité. Oracle du Seigneur. Et moi, voici mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne cesseront point d'être dans ta bouche, et dans la bouche de tes enfants, et dans la bouche des enfants de tes enfants, dit le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Chapitre 60. Lève-toi et resplendis, car ta lumière paraît, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une sombre obscurité les peuples. Mais sur toi le Seigneur se lève, et sa gloire se manifeste sur toi. Les nations marchent vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton lever. Lève tes regards autour de toi et vois. Tous se rassemblent, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu le verras alors, et tu seras radieuse. Ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses de la mer se dirigeront vers toi. Les trésors des nations viendront à toi. Des multitudes de chameaux te couvriront, les dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges du Seigneur. Tous les troupeaux de Cédar se rassembleront chez toi. Les béliers de Nabaïoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel comme une offrande agréable, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les vaisseaux de Tarsis viendront les premiers. Pour ramener tes fils de loin, avec leur argent et leur or, pour honorer le nom du Seigneur, ton Dieu, et le Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais, dans ma bienveillance, j'ai eu compassion de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Jour et nuit, elles ne seront pas fermées, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi en cortège triomphal. Car la nation et le royaume qui ne te serviront point périront. Ces nations-là seront entièrement détruites. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, le platane et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront à toi le front courbé, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, et l'on t'appellera la ville du Seigneur, la Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé, haï et solitaire, je ferai de toi l'orgueil des siècles, la joie de toutes les générations. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, et que le puissant de Jacob est ton rédempteur. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or, et au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, et au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer. Et je te donnerai pour gouverneur la paix, pour magistrat la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes murailles « salut » et tes portes « louange ». Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et les jours de ton deuil seront achevés. Dans ton peuple, tous seront justes, et ils posséderont le pays pour toujours. Eux, le rejeton que j'ai planté, l'ouvrage de mes mains, créé pour ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, le Seigneur, en leur temps, je hâterai ces choses. Chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux malheureux, panser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'élargissement, publier une année de grâce pour le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous les affligés, apporter aux affligés de Sion et leur mettre un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. On les appellera térébintes de justice, plantation du Seigneur pour sa gloire. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres d'autrefois. Ils restaureront les villes détruites, les décombres des âges passés. Les étrangers seront là pour paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera prêtre du Seigneur. On vous nommera ministre de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous parerez de leur magnificence. Au lieu de votre honte, vous aurez double portion et au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur part. Ils posséderont ainsi double part dans leur pays. Il y aura pour eux une joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime la justice. Je hais le pillage fait avec perfidie. Je leur donnerai fidèlement leur salaire, et je ferai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera renommée parmi les nations, et leur postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Je serai ravi d'allégresse dans le Seigneur, et mon cœur se réjouira en mon Dieu, parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice, comme le fiancé orne sa tête d'un diadème, comme la mariée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore ses germes, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Chapitre 62. À cause de Sion, je ne me tairai point, et à cause de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que sa justice se lève comme l'aurore, et que son salut brille comme un flambeau. Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nouveau nom, que la bouche du Seigneur choisira. Tu seras une couronne d'honneur dans la main du Seigneur, une tiare royale dans la main de notre Dieu. On ne te nommera plus délaissé, et on ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et ta terre épousée. Car le Seigneur mettra son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront. Et comme la fiancée fait la joie du fiancé, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Jamais, ni le jour, ni la nuit, elles ne se tairont. Ô vous qui faites souvenir au Seigneur, ne prenez point de repos, et ne lui laissez point de repos, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem, et qu'il fasse d'elle la louange de la terre. Le Seigneur l'a juré par sa droite, et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton froment en nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, fruit de tes labeurs. Mais ceux qui auront fait la moisson la mangeront, et ils loueront le Seigneur. Et ceux qui auront fait la vendange la boiront, dans les parvis de mon sanctuaire. Passez, passez par les portes, aplanissez le chemin du peuple. Frayez, frayez la route, ôtez-en les pierres, élevez un étendard sur les peuples. Voici ce que le Seigneur a publié jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici que ton sauveur vient. Voici que sa récompense est avec lui, et ses rétributions le précèdent. Et on les appellera peuple saint, racheté du Seigneur. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Chapitre 63. Qui est celui-là qui vient d'Édom, de Bosra, en habit écarlate? Il est magnifique dans son vêtement. Il se redresse dans la grandeur de sa force. C'est moi qui parle avec justice et qui suis puissant pour sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement, et tes habits sont-ils comme ceux du pressureur? Au pressoir j'ai foulé seul, et, parmi les peuples, personne n'a été avec moi. Et je les ai foulés dans ma colère, piétinés dans ma fureur. Le jus en a jailli sur mes habits, et j'ai souillé tout mon vêtement. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de ma rédemption était venue. J'ai regardé, et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a soutenu. J'ai écrasé les peuples dans ma colère, et je les ai enivrés de ma fureur, et j'ai fait couler leur sang à terre. Je célébrerai les miséricordes du Seigneur, les louanges du Seigneur, selon tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ainsi que sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il lui a témoigné dans sa compassion et son immense miséricorde. Il a dit : oui, ils sont mon peuple, des fils qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toutes leurs angoisses, il a été en angoisse, et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et son indulgence, il les a rachetés lui-même, il les a soutenus et portés pendant tous les jours d'autrefois. Mais eux furent rebelles et attristèrent son Esprit Saint. Alors il se changea pour eux en ennemi. Lui-même leur fit la guerre. Alors son peuple se souvint des anciens jours, de Moïse. Où est celui qui fit monter de la mer le berger de son troupeau? Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit Saint, qui fit marcher à la droite de Moïse son bras glorieux? Qui fendit les eaux devant eux pour pour se faire un nom éternel, qui les fit marcher à travers les abîmes sans trébucher, comme un cheval dans la steppe, comme le bétail qui descend dans la vallée. L'Esprit du Seigneur les a conduits au repos. C'est ainsi que vous avez guidé votre peuple pour vous faire un nom glorieux. Regardez du ciel et voyez, de votre demeure sainte et magnifique. Où sont votre zèle et votre puissance, le frémissement de vos entrailles et votre pitié? Pour moi, ils se sont arrêtés, car vous êtes notre Père. Car Abraham nous ignore, et Israël ne nous connaît pas. Vous, le Seigneur, vous êtes notre Père, notre Rédempteur. C'est votre nom dès les âges anciens. Pourquoi, ô Seigneur, nous feriez-vous errer loin de vos voies? Endurciriez-vous notre cœur contre votre crainte? Revenez, pour l'amour de vos serviteurs et des tribus de votre héritage. Votre peuple saint a possédé le pays bien peu de temps. Nos ennemis ont foulé aux pieds votre sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que vous ne gouvernez pas, sur lequel votre nom n'est pas invoqué. Ah, si vous déchiriez les cieux, si vous descendiez, les montagnes seraient ébranlées devant vous. Chapitre 64. Comme un feu qui embrase le bois sec, comme un feu qui fait bouillonner l'eau, pour manifester votre nom à vos adversaires, de sorte que les nations tremblent devant vous, en faisant des choses terribles, inattendues. Vous descendriez, les montagnes seraient ébranlées devant vous, dont jamais on n'eût entendu parler. Jamais on n'a entendu. Nul œil n'a vu un Dieu autre que vous agir ainsi pour qui espère en lui. Vous venez au-devant de qui pratique avec joie la justice, de qui, marchant dans vos voies, se souvient de vous. Voici que vous étiez courroucés et nous étions coupables. Il en est ainsi depuis longtemps. Serions-nous sauvés? Nous étions tous semblables à un homme impur, et toutes nos justices étaient pareilles à un vêtement souillé. Nous étions tous flétris comme la feuille, et nos iniquités nous emportaient comme le vent. Il n'y avait personne qui invoquât votre nom, qui se réveilla pour s'attacher à vous. Car vous nous aviez caché votre visage, et vous nous laissiez périr dans nos iniquités. Et maintenant, ô Seigneur, vous êtes notre Père. Nous sommes l'argile, et vous celui qui nous a formés. Nous sommes tous l'ouvrage de votre main. Ne vous irritez pas à l'extrême, ô Seigneur, et ne vous souvenez pas à jamais de l'iniquité. Regardez donc, nous sommes tous votre peuple. Vos villes saintes sont devenues un désert. Sion est devenue un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient vos louanges, est devenue la proie des flammes, et tout ce qui nous était cher a été dévasté. En face de ces maux, vous contiendrez-vous, ô Seigneur? Vous tairez-vous et nous affligerez-vous à l'excès? Chapitre 65. Je me laissais rechercher de qui ne me demandait pas. Je me laissais trouver de qui ne me recherchait pas. Je disais, « Me voici, me voici », à une nation qui ne portait pas mon nom. J'étendais mes mains tout le jour vers un peuple rebelle, vers ceux qui marchent dans la voie mauvaise au gré de leurs pensées, vers un peuple qui me provoquait, en face, sans arrêt, sacrifiant dans les jardins, brûlant de l'encens sur des briques, se tenant dans les sépulcres et passant la nuit dans des cachettes, mangeant de la chair de porc et des mets impurs dans leurs plats, disant « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint pour toi. » Ceux-là sont une fumée dans mes narines, un feu qui brûle toujours. Voici, c'est écrit devant moi. Je ne me tairai point que je n'ai rétribué dans leur sein vos iniquités, avec les iniquités de vos pères, dit le Seigneur, qui ont brûlé l'encens sur les montagnes et m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai dans le sein le salaire de leur conduite passée. Ainsi parle le Seigneur. De même que, trouvant du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. » Ainsi agirai-je à cause de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus les posséderont, et mes serviteurs y habiteront. Et Saron servira de parc aux brebis, et la vallée d'Accor de pâturage aux bœufs, pour mon peuple qui m'aura recherché. Mais vous qui avez abandonné le Seigneur, oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table à Gad et remplissez une coupe pour Méni. Je vous destine au glaive, et vous vous courberez tous pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, et vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce que je ne veux pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que mes serviteurs mangeront, et vous, vous aurez faim. Voici que mes serviteurs boiront, et vous, vous aurez soif. Voici que mes serviteurs seront dans l'allégresse, et vous, vous serez dans la confusion. Voici que mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Et vous, vous crierez dans la douleur de votre cœur. Et vous hurlerez dans le déchirement de votre esprit. Et vous laisserez votre nom comme une imprécation à mes élus. Et le Seigneur l'Éternel te fera périr. Mais il appellera ses serviteurs d'un autre nom. Quiconque voudra être béni sur la terre, voudra être béni par le Dieu de vérité. Et quiconque jurera sur la terre, jurera par le Dieu de vérité. Car les angoisses précédentes seront oubliées, et elles auront disparu à mes yeux. Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez dans une éternelle allégresse à cause de ce que je vais créer. Car voici que je crée Jérusalem pour la joie, et son peuple pour l'allégresse. Et j'aurai de l'allégresse au sujet de Jérusalem, et de la joie au sujet de mon peuple. Et l'on n'y entendra plus désormais la voix des pleurs ni le cri de l'angoisse. Il n'y aura plus là d'enfants nés pour peu de jours, ni de vieillards qui n'accomplissent pas le nombre de ses jours. Car ce sera mourir jeune que de mourir centenaire, et c'est à 100 ans que la malédiction atteindra le pécheur. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple égaleront ceux des arbres, et mes élus useront l'ouvrage de leurs mains. Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n'enfanteront pas pour une mort subite, car ils seront une race de bénis du Seigneur, et avec eux leurs rejetons. Avant qu'ils appellent, je répondrai. Ils parleront encore, que je les exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le serpent se nourrira de la poussière. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, et le serpent se nourrira de terre. Il ne se fera ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Chapitre 66. Ainsi parle le Seigneur. Le ciel est mon trône, et la terre est l'escabeau de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtiriez, et quel serait le lieu de mon repos. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses sont arrivées ainsi à l'existence. Oracle du Seigneur. Voici celui que je regarde, celui qui est humble, qui a le cœur brisé et qui tremble à ma parole. Celui qui immole un bœuf tue un homme. Celui qui sacrifie une brebis égorge un chien. Celui qui présente une oblation offre du sang de porc. Celui qui fait brûler l'encens bénit une idole. Comme ils choisissent leur voie et que leur âme se complaît dans leurs abominations, moi aussi je choisirai leur infortune et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent, parce que j'ai appelé et personne n'a répondu. J'ai parlé et ils n'ont pas entendu. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole. Ils ont dit, vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que le Seigneur montre sa gloire, afin que nous voyions votre joie. Mais ils seront confondus. Un fracas, un tumulte monte de la ville. Une clameur monte du temple. C'est la voix du Seigneur qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui vinssent, elle a mis au monde un enfant mâle. Qui a jamais entendu rien de pareil? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays naît-il en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Que Sion, à peine en travail, ait mis au monde ses fils. Ouvrirai-je le sein et ne ferai-je pas enfanter? Dit le Seigneur. Ou bien moi qui fais naître, fermerai-je le sein? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Tressaillez de joie avec elle, vous tous qui pleuriez sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés à la mamelle de ses consolations, afin que vous savouriez avec délices la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle le Seigneur. Je vais faire couler sur elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et vous serez allaités, portés sur le sein, caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe. Et la main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs, et son indignation à ses ennemis. Car voici que le Seigneur vient dans le feu, et son char est semblable à l'ouragan, pour déverser sa colère en embrasement et ses menaces en flammes de feu. Car le Seigneur exerce le jugement par le feu, et par son épée, contre toute chair. Et nombreux seront ceux que le Seigneur aura percés. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins, derrière celui qui se tient au milieu, ceux qui mangent de la chair de porc, des mets abominables et des souris, périront tous ensemble. Oracle du Seigneur. Moi, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire, et je ferai un prodige au milieu d'eux. Et j'enverrai de leur échapper vers les nations, à Tarsis, à Ful et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, vers les îles lointaines, qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Et ils ramèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande au Seigneur, sur des chevaux, sur des chars, en litière, sur des mulets et des dromadaires, vers ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. comme les enfants d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison du Seigneur. Et j'en prendrai même parmi eux pour prêtres et pour lévites, dit le Seigneur. Car comme les nouveaux cieux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, oracle du Seigneur, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront en horreur à toute chair.